Ça veut pas, ça veut pas. sûr. John, c'est un batteur, je crois. Play drum. Thank you. We'll be right back. moi. Non, juste pour... Ok John? Oh you change. I'm sorry. En fait, non. Quand on n'a pas. On s'amuse. We'll be right back. We'll be right back.

Okay. All right.